Il est déjà moins quart et je reste dans mon plumard. J'ai pas envie de m'user toute la journée à travailler. Je cours après le temps, je cours après l'argent. Je voudrais pouvoir sourire quand je pense à l'avenir. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas grandir. Je ne veux pas vieillir, laissez-moi partir d'ici. Je ne veux pas grandir, laissez tout ici. Je ne veux pas souffrir, regardez-moi en vie. Je ne veux pas mourir, laissez-moi partir. Je ne veux pas souffrir, mais je veux rétrécir, retrouver l'innocence, l'inconscience de l'enfance. Ne plus penser à rien, surtout pas à demain, et garder ma jeunesse, ou plutôt ce qu'il en reste. Je ne veux pas vieillir, je ne veux pas grandir. Je ne veux pas vieillir.